On charbonne toute l'année comme dans les streets de Baltimore. On n'est plus des hommes mais des ombres, vivants mais quasi morts. Toutes nos valeurs de droit dur, aucun échec. Je crois que le mal est la seule chose qui soit restée intacte durant ces deux derniers siècles. Non, ne parle pas de rap gay. C'est pas mon buzz de rue qui me fait remplir le gaufrier. Je te le dis d'office, que papa était underground. C'est ça que tu veux que je dise à mon fils? Nous on s'en tape de quoi ou qu'est-ce. Tout ce qui nous importe c'est combien. Donc parlons peu, parlons bien, parlons eux, ça me convient. Ne reproche pas d'avoir trop faim. On comprendra plus tard que le crime ne paye jusqu'à un certain point. On fait la hier prix à mi-temps, mais ça turbine à temps plein. Notre mois de ramdam s'apparente plus à une vulgaire crève de la faim qu'un réel acte de foi. Je pense aux frères en tôle qui se branchent jusqu'à enseigner, à qui l'État réclame des sommes d'amende douanière qu'il faudrait deux vies pour payer. Bien sûr que la vie est hardcore. Si la violence ne résout rien, c'est que t'as pas frappé assez fort. Ouais.